une fille comme moi aurait ruiné les uns et les rois. Mais aujourd'hui, on n'aime pas ça. On préfère les minettes, c'est pas de chance pour moi. Tant pis pour elles, n'ont pas de voix. D'ailleurs, le poète a dit, et j'y crois. Il faut toujours qu'une porte soit ouverte ou fermée. Alors fermez la porte, s'il vous plaît. C'est le plus court des chemins qui va d'un point à un autre point. Qu'on soit en masse ou qu'on soit en joie, mais la mode change dans ce monde qui boue. On aime les gueules et les chaussettes rouges. D'ailleurs, le poète a dit, et j'y crois, il faut toujours qu'une porte soit ouverte ou fermée. Alors fermez la porte, s'il vous plaît. Cheveux courts, cheveux longs se confondront, vieux et garçons. Oui, ce sera la mutation. On a toujours besoin d'un Pierre d'Albi chez soi. Qui sait ce que demain sera. D'ailleurs, le poète a dit, et j'y crois. Il faut toujours qu'une porte soit ouverte ou fermée. Alors fermez.